Tu m'entends là? Ah, Cédric? Moi, je reçois pas ton métronome. Double basse, essaye de jouer, voir si on entend ton son sur sa piste. C'est bon là. Là, c'est bien. Là, sur ta barre, Cédric, tu reçois rien. Du coup, tu peux jouer, t'es bien isolé. Thank you. 1. 1. Entendre sur ma carte son. Mais j'ai plus de son non plus là. Ok.